Alter Ego Plus, niveau 1. Méthode de français. Achète livre. Dossier 5. Temps fort. Leçon 1. Jour de fête. Activité 2 et 3. 1. Pardon, jeune homme. Je fais une enquête sur les Français et les fêtes. Vous voulez bien répondre à quelques questions? Oui, d'accord. Alors, d'abord, quelle est votre fête préférée? Ah, pour moi, c'est le jour de l'an. Le 1er janvier? Non, le 31 décembre, le réveillon. Vous passez cette fête où et avec qui, en général? Toujours avec mes amis, pas avec ma famille. Et le lieu, ben, ça dépend. Mes amis viennent chez moi, je vais chez eux, on va en boîte. Ça dépend des années, ça dépend des amis. Et pourquoi est-ce que vous aimez cette fête? Pourquoi? Ben parce que c'est la fin de l'année. Tout le monde fait la fête. J'adore l'ambiance du réveillon. Et qu'est-ce que vous faites ce jour-là? Il y a un rituel spécial? Eh bien, le 31 décembre. 2. Bonjour. Vous avez quelques instants pour répondre à une enquête sur les fêtes? Oui, si c'est pas trop long. Non. 5 questions, c'est rapide. La première, quelle est votre fête préférée? Noël? Non, la Saint-Valentin. Où est-ce que vous passez cette fête? Avec qui? La Saint-Valentin, évidemment, c'est avec l'homme de ma vie, mon compagnon. Et où? En général, au restaurant. Et pourquoi vous aimez spécialement cette fête? Quelle question! Parce que je suis amoureuse, tout simplement. Oui, bien sûr. Vous faites quoi à cette occasion? Est-ce qu'il y a un rituel spécial? À la Saint-Valentin?